rappelle, dans les baignoires, il y avait pas, ils s'en servaient pas, hein, ils mettaient des plantes ou ils mettaient des canards, hein, hein, dans les HLM qu'il y avait. Bon, ils n'avaient pas le mode de vie. Ah, c'est pas du tout le même mode, mode de vie, même pas du manger et tout, c'était pas pareil. Ouais. Avec un oignon, un bout de pain, ça leur suffisait. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas, la même façon de. Puis c'est pas des gens qui évoluent assez facilement. Hein. D'abord leur religion, enfin. C'est pas la même vie que les Français. Hein. Oui, c'est sûr. Hein.